de go dans la suite une douzaine. Vous fabricains, tu connais pas, c'est bizarre. Sous-marin la fêlée, un peu de bizarre. Ils ont créé quelque chose de mauvais. On va répliquer, ils auront la nausée. On veut le jet, tout le pire, tout l'oseille. On voit le jeton, on veut pas les conseils. Pas d'artiste, y'a pas d'affiche. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Tu as parlé, provoqué les noucis. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont enfermé un manque du quartier. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont envoyé garde à ce que magie. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Descendu, ce qu'on descendu. C'est ma paix, ça a descendu. Par le mal, on va te rafaler et te baiser sous coup de parenté. Ah, ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ah, ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Les petits ont défié les darons. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Millions de descendants dans un sopalin. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Fini le showcase et je prends mon lard. Allô, bébé, je rentre à la maison. Être diplômé, c'est mieux qu'être milliardaire. Le manque d'argent vous fait perdre la raison.